إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous poursuivons cette série de cours intitulée « Pour un Ramadan réussi ». Il y a de cela quelques jours, nous accueillons le mois de Ramadan avec joie et bonne humeur. Puis les jours se sont succédés et nous voilà subitement dans la deuxième quinzaine de ce mois béni de Ramadan. Et dans quelques jours, nous entrerons dans son dernier tiers. Et durant tous ces jours passés de ce mois béni de Ramadan, certains ont jeûné le jour, ont prié la nuit, ont récité le Coran, ont donné en aumône des biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyés. Ils ont été bienfaisants, ont délaissé toute forme de péché et de désobéissance à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ils ont par la grâce d'Allah azza wa jal, et ils auront par la grâce d'Allah azza wa jal, une immense récompense. Une immense récompense qui les attend. Et concernant les jours à venir, ces jours qui restent de Ramadan, leur récompense sera plus grande encore, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. En revanche, d'autres personnes ont été malfaisantes, n'ont pas jeûné comme ils le devaient, n'ont pas prié la nuit, ont délaissé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa lecture, ils n'ont pas dépensé de leurs biens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Néanmoins, Allah subhanahu wa ta'ala, dhul fadlil azim, Allah est le détenteur de la grâce suprême. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de celui qui revient vers lui, azza wa jal. Et de par la grâce d'Allah azza wa jal, il a fait, notamment des 10 derniers jours de Ramadan, une occasion pour celui qui a été bienfaisant au début de ce mois, une occasion lui est offerte d'accroître sa bienfaisance. Et quant à celui qui au début de ce mois de Ramadan aura été malfaisant, l'occasion lui sera offerte de rattraper son retard, de réparer ses torts et de tirer les meilleurs profits de ces 10 derniers jours de ce mois béni de Ramadan. Et ces 10 derniers jours de Ramadan ont des particularités et des mérites. Durant ces 10 derniers jours, le Coran est descendu. Et de façon précise, lors de Laylatul Qadr, la nuit du décret, la nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce noble livre, « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » Nous avons fait descendre le Coran durant la nuit éminente du décret. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit également, « Inna anzalnahu fi laylatim mubarakah, inna kunna munzirin » Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, afin d'avertir les hommes en cette nuit et détailler tout ordre parfaitement décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a donc fait descendre cette lumière manifeste qui a fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière, qui a fait sortir les gens de l'ignorance vers la lumière de la science et de la foi. Ce Coran immense qui est une guérison, une guidée et une miséricorde pour les croyants. Ce Coran, qui est une exhortation et un remède pour les cœurs et les poitrines. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Dit, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Ceci est meilleur que tout ce qu'ils amassent. Parmi les particularités, de ces 10 derniers jours de Ramadan, c'est notamment la présence de cette nuit particulière, cette nuit d'une grande valeur, cette nuit immense. الله سبحانه وتعالى أجي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Nous avons fait descendre le Coran durant la nuit imminente du décret. Qui te dira ce qu'est la nuit du décret? La nuit du décret est meilleure que 1000 mois. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit au sujet de cette nuit: Man qama laylata al-qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui aura veillé en prière cette nuit du destin avec foi et conviction, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Comme le rapporte l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné des particularités à cette nuit. C'est durant cette nuit que le Coran est descendu en une seule et unique fois depuis al-Lawh al-Mahfouz, les planches préservées, jusqu'aux cieux les plus bas, jusqu'au ciel le plus bas, dans l'endroit appelé Baytul Izzah, la demeure de la force ou de la puissance. Puis, le Coran est descendu au fur et à mesure et de façon parcellaire durant 23 années. En fonction des situations, ce Coran est descendu de façon parcellaire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à descendre de façon complète après les 23 années de prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié cette nuit en disant qu'elle est meilleure que 1000 mois. Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié cette nuit en disant qu'elle était bénie. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Durant cette nuit également, les descentes des anges se multiplient. Ils descendent des cieux vers la terre, car cette nuit comporte énormément de bénédictions. Allah Azza wa Jalla a dit: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Durant cette nuit, les anges et l'esprit, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, ne cessent de descendre sur ordre de leur Seigneur. Allah Azza wa Jal a ici cité de façon particulière Jibril alayhi salam, l'esprit, afin de nous montrer sa noblesse et sa place particulière auprès d'Allah Azza wa Jal comparé aux autres anges. Allah Azza wa Jal a qualifié également cette nuit comme étant préservée de tout mal. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Elle est préservée de tout mal jusqu'à l'apparition de l'aube. Elle est préservée de tout mal, c'est-à-dire que les diables ne peuvent pas faire le mal qu'ils souhaitent. Et également, elle est préservée de tout mal car les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala y multiplient les formes d'obéissance et d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont ainsi préservés de toute punition et de tout châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à celui qui prie durant cette nuit avec foi et conviction. Allah azza wa jal lui pardonnera ses péchés antérieurs comme nous l'en a informé le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Avec foi, c'est-à-dire en considérant vrai la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui doit animer le musulman durant cette nuit, espérer la récompense d'Allah azza wa jal et rien d'autre. Ne pas rechercher à travers cette nuit, Laylatul Qadr, un quelconque bien mondain. Et parce que cette nuit est immense, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son sujet une sourate entière du Coran, une sourate qui est lue et récitée et qui sera lue et récitée jusqu'à la fin des temps. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr khayrun min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. L'adoration durant cette nuit est meilleure que l'adoration accomplie pendant plus de 83 années. Ceci est un bienfait immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, et cela doit nous encourager tout croyant et croyante à veiller cette nuit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ainsi était le prophète alayhi salatu wassalam, il recherchait cette nuit dans les 10 dernières nuits de Ramadan et de façon particulière dans les nuits impaires de ces 10 dernières nuits. Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Taharraw laylat al-qadr fil watri ou fil watri min al-ashr al-awakhir » Recherchez la nuit du décret dans les nuits impaires parmi les 10 dernières nuits, c'est-à-dire de Ramadan. Et ce qui nous montre l'importance également de cette nuit bénie, Laylatul Qadr, c'est l'étude des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été rapportés au sujet de cette nuit. Si l'on prend les 9 recueils de hadiths que sont Sahih al-Bukhari, le Sahih de l'imam Muslim, les Sunan de l'imam Abi Daoud, les Sunan de l'imam At-Tirmidhi, les Sunan de l'imam Ibn Majah, les Sunan de l'imam An-Nasa'i, ces 6 sont appelés Al-Kutubu Sittah, les 6 livres du Hadith. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah wa An-Nasa'i. Et lorsque l'on parle des 9 recueils de Hadith, il faut ajouter à ces 6 recueils les Sunan de l'imam Ad-Darimi, le Mu'atta de l'imam Malik et le Musnad de l'imam Ahmad, rahimahumullahu jami'an. Si l'on étudie les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de cette nuit du destin, et notamment sur les hadiths qui parlent de sa désignation, les hadiths qui désignent cette nuit du destin, à quel moment a-t-elle lieu pendant les nuits de Ramadan? Il y a 6 versions qui stipulent que cette nuit a lieu pendant les 10 derniers jours de Ramadan, les 10 dernières nuits de Ramadan. 5 versions stipulent qu'elle a lieu durant les 7 dernières nuits de Ramadan. 7 versions stipulent qu'elle a lieu pendant les nuits impaires des 10 derniers jours, des 10 dernières nuits de Ramadan. 7 versions qui stipulent qu'elle a lieu durant les nuits impaires des 10 derniers jours en la citant de façon précise. Une version rapporte qu'elle a lieu durant la 21e nuit de Ramadan. D'autres versions attestent qu'elle a lieu la 23e nuit de Ramadan. Une version la désigne comme ayant lieu la 24e nuit de Ramadan. Cette version la désigne comme ayant lieu la 27e nuit de Ramadan. 4 versions la désignent comme ayant lieu durant la fin de Ramadan. Et l'ensemble de ces versions atteint le nombre de 72. 72 versions de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui détaillent et qui définissent la nuit Laylat al-Qadr dans ces 9 recueils de hadith précédemment cités. Pourquoi je cite ces détails de façon précise? Tout d'abord, afin de nous encourager et afin que nous redoublions d'efforts dans la recherche de Laylat al-Qadr, car les versions sont multiples. Et certains savants ont réuni ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car vous savez que les savants de l'islam, lorsqu'ils étudient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand des informations sont diverses comme ici, où des hadiths parlent de la 21e nuit, d'autres de la 23e, d'autres de la 27e, ainsi de suite, les savants de l'islam ont des règles qu'ils appliquent pour déduire de tout cela une compréhension saine des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et déduire de toutes ces versions une compréhension qui rassemble toutes ces versions. Et la règle est que une compréhension qui rassemble toutes les versions du hadith est meilleure qu'une compréhension qui va dans le sens de certaines versions, mais ne va pas dans le sens des autres. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah, fait partie des savants qui considère que l'avis le plus prépondérant au sujet de Laylatul Qadr, que la nuit du décret se déplace en fonction des années, et qu'elle n'a pas lieu à la même nuit chaque année, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a ainsi cachée afin que ses serviteurs la recherchent dans chacune de ces 10 dernières nuits et soient fervents dans leur adoration. Et l'imam Nawawi rahimahullah a dit « وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُخْتَارُ » Et c'est ce qui est apparent et c'est le choix vers lequel, ou c'est le choix que nous portons. « وَلَا تَرِيقَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ إِلَّا بِانْتِقَالِهَا » Et il n'y a d'autre issue pour réunir toutes ces versions des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'en disant que cette nuit du destin, cette nuit de Al-Qadr, se déplace et qu'une année, elle peut coïncider avec la 21e nuit de Ramadan, une autre année, elle peut coïncider avec la 27e nuit et ainsi de suite. Et de façon sûre, Laylatul Qadr a lieu durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Quant au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Bukhari, que l'on a vu précédemment, recherchez-la durant les nuits impaires parmi les 10 dernières nuits de Ramadan. Et ici, je demande votre attention sur un point particulier au sujet des nuits impaires de Ramadan. Le premier point, c'est quand commencent les 10 dernières nuits de Ramadan. Les 10 dernières nuits de Ramadan commencent la 21e nuit, à partir de la 21e nuit. Autrement dit, le 20e jour de Ramadan au soir. Le 20e jour de Ramadan au soir. Pour cette année 1443-2022, pour ceux qui ont commencé le Ramadan le samedi 2 avril, la nuit, la première nuit des 10 dernières nuits a lieu le jeudi soir, le jeudi 21 avril au soir. Pour ceux qui ont commencé Ramadan le dimanche 3 avril, elle commence le vendredi soir, le vendredi 22 avril au soir. Donc ça, c'est de façon certaine. Les 10 dernières nuits de Ramadan ne commencent pas à partir de la 20e nuit. La 20e nuit est considérée comme la décade médiane de Ramadan. Elle fait partie de la deuxième dizaine de Ramadan. Ça, c'était le premier point. Le second point, comment déterminer les nuits impaires? Comment déterminer les nuits impaires du mois de, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan? La plupart des savants disent que l'on commence à compter les 10 dernières nuits de Ramadan en commençant par le haut. Donc on est le 20e jour, au soir, c'est la 21e nuit. Comme je l'avais dit précédemment, les nuits précèdent le jour chez les Arabes. Donc le jeudi 21 avril, pour ceux qui ont commencé Ramadan le 2 avril, ce sera la première nuit des 10 dernières nuits. Ce sera la 21e nuit. Deux nuits après, ce sera la 23e nuit, et ainsi de suite, jusqu'à la 29e. D'autres savants disent que ce n'est pas ainsi qu'il faut compter les 10 dernières nuits. Les 10 dernières nuits, on les compte en considérant le nombre de nuits qu'il reste de Ramadan. Et il se base sur une version rapportée dans l'imam al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iltamisuha fil ashri al-awakhir, fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. » Il dit, alayhi salatu wassalam, recherchez-la dans les 10 dernières nuits de Ramadan, dans les 9 nuits restantes, dans les 7 nuits restantes, dans les 5 nuits restantes. Lorsqu'il, ou on pourrait traduire, fi tasi'atin tabqa, lorsqu'il en reste 9, lorsqu'il en reste 7, lorsqu'il en reste 5. Donc il y a deux avis. Premier avis, je compte le début de Ramadan, dès que j'arrive au 20e jour, le soir du 20e jour, c'est la 21e nuit. Le 21e jour de Ramadan, le soir du 21e jour de Ramadan, c'est la 22e nuit. Et ainsi de suite, jusqu'à la 29e nuit. D'autres savants disent, il faut commencer par la fin. Si on prend, lorsqu'il en reste 9, c'est-à-dire lorsqu'il reste 9 nuits de Ramadan, alors c'est une nuit impaire. Et lorsqu'il reste 9 nuits de Ramadan, recherchez-la lorsqu'il reste 9 nuits de Ramadan. Lorsqu'il reste 9 nuits de Ramadan, c'est qu'on est à la 21e nuit. Ceci lorsque le mois est de 29 jours. Car le mois est soit de 29 jours ou soit de 30 jours. Je peux vous résumer ce sujet de cette façon-là. Le mois de Ramadan est de 29 jours ou 30 jours. Si le mois de Ramadan est de 29 jours, alors il comporte 29 nuits. Si le mois de Ramadan est de 30 jours, alors il comporte 30 nuits. Les savants disent que lorsque le mois n'est pas complet, c'est-à-dire lorsqu'il est de 29 jours, quel que soit le procédé de calcul, que je calcule les nuits impaires en partant du début de Ramadan ou de la fin de Ramadan, je tomberai tout le temps sur les nuits impaires. Si on prend l'exemple d'un mois à 29 nuits, 29 nuits, lorsqu'il en reste 9, c'est-à-dire la 21e nuit. Lorsqu'il en reste 7, c'est-à-dire la 23e nuit, et ainsi de suite. Par contre, lorsque le mois est complet, et c'est là où je veux en venir, et c'est là où il y a cette subtilité, et c'est pour cela que certains savants comme Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ou Al-Imam Al-Bayhaqi ou d'autres, ont parlé de cette subtilité pour arriver à un but qui est celui que je vais vous citer maintenant. Si l'on prend le mois complet de 30 jours et qu'on enlève 9 ou qu'on enlève 7, si on enlève 7 nuits, si on dit que c'est les 7 nuits restantes, eh bien ça nous amène à la 24e nuit, qui est une nuit paire. Et si je dis que c'est les 9 dernières nuits, ça m'amène à la 22e nuit, qui est une nuit paire. Autrement dit, lorsque le mois est complet et que je calcule les nuits impaires de Ramadan en se basant sur les nuits qu'il reste, eh bien, je tombe sur des nuits paires et non impaires. Tout ceci pour arriver à cette conclusion qui est que celui qui recherche la nuit du destin, Laylatul Qadr, et veut y adorer Allah Azza wa Jal durant celle-ci, de façon sûre et certaine, il doit la rechercher dans les 10 dernières nuits, dans la totalité des 10 dernières nuits de Ramadan. Car si le mois est complet, il y a un risque que cette nuit tombe pendant les nuits paires, wallahu a'lam. Ainsi, cette nuit de Laylatul Qadr est une nuit bénie, dans laquelle nous devons redoubler d'efforts dans la recherche de celle-ci, dans la recherche du bien qu'elle apporte, en accomplissant nos prières obligatoires à l'heure, en accomplissant ces prières comme il se doit, en multipliant les prières nocturnes avec l'imam à la mosquée, en récitant le Coran, en multipliant les adhkar, en multipliant les invocations à Allah subhanahu wa ta'ala, les invocations générales, mais également une invocation particulière. Aïcha radiyallahu anha a dit à Rasulallah, « Ara'ayta in alimtu ayya laylatin laylatul qadr, ma aqulu fiha, qala quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. » Aïcha radiyallahu anha a dit, « Oh envoyé d'Allah, si je sais quelle nuit coïncide avec la nuit de Al-Qadr, que dois-je dire durant celle-ci ? » Il a répondu, alayhi salatu wassalam, dit, « Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. » Ô Allah, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, pardonne-moi. Et cette invocation est pleine de sens profond et elle correspond et elle est propice à cette nuit Laylatul Qadr. Celui qui verra ses péchés pardonnés sera le vrai gagnant. Et il connaîtra le bonheur à la fois ici-bas et dans l'au-delà. Al-Imam al-Tirmidhi rahimahullah rapporte, selon Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Qultu ya Rasulallah, j'ai dit, ô envoyé d'Allah, « عَلِّمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ » enseigne-moi une chose par laquelle j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Salillah al-afiyah, demande à Allah le pardon et l'indulgence. Famakatha ayyaman, il est resté plusieurs jours, puis est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit, Ya Rasulallah, allimni shay'an as'aluhu Allah, faqala li ya Abbas, ya amma Rasulillah, Salillah al-afiyata fi dunya wal-akhirah. Plusieurs jours plus tard, je suis revenu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit, ô envoyé d'Allah, informe-moi ou enseigne-moi une chose à dire et par laquelle j'invoque Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, ô Abbas, ô oncle paternel de l'envoyé d'Allah, demande à Allah le pardon et l'indulgence dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et cette nuit, Laylatul Qadr, il y a des signes qui permettent de savoir quelle nuit a coïncidé avec la nuit du destin. Mais ces signes apparaissent après cette nuit et non avant. Donc cela n'amène pas le croyant et la croyante à baisser l'intensité de leurs efforts dans la recherche et dans le souhait que cette nuit dans laquelle ils auront adoré Allah Azzawajal à travers la prière nocturne, à travers la lecture du Coran, à travers les adhkar, à travers les aumônes, à travers toute forme d'obéissance à Allah Azzawajal pour que toutes ces adorations coïncident avec Laylatul Qadr. Dans le sahih de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna shamsa tatlu'u » صَبِيحَتَهَا لَا شُجَاعَ لَهَا. Le matin de la nuit du destin, le soleil se lève sans rayonnement. Et ceci, nous l'avons remarqué, moi en tout cas, à titre personnel, à plusieurs reprises. Et l'autre signe, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, « لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ سَمِحَةٌ طَلْقَةٌ لَا حَارَةٌ وَلَا بَارِدَةٌ تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. C'est une nuit harmonieuse, ni chaude ni froide. Et le matin de cette nuit, le soleil se lève, virant au rouge et étant de faible intensité. Parmi les particularités de ces 10 derniers jours de Ramadan, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam intensifiait ses efforts dans la prière nocturne et dans toutes les œuvres pieuses, il intensifiait ses adorations alayhi salatu wassalam de façon considérable. Aïcha radiallahu anha a dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr ahya laylah wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar » alayhi salatu wassalam. Aïcha radiallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'entrait les 10 derniers jours de Ramadan, il veillait la nuit, réveillait sa famille et faisait preuve de fermeté et serrait la ceinture de son pagne, alayhi salatu wa sallam. Et quant à cette parole, et serrait la ceinture de son pagne, certains savants ont dit que cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam retroussait ses manches et redoublait d'efforts dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans son adoration. Et d'autres savants ont dit que ceci est une parabole pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'éloignait de ses femmes. Et elle dit également, radiyallahu anha, « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam intensifiait ses efforts pendant les 10 derniers jours de Ramadan de telle façon qu'il ne le faisait pas dans un autre moment. Il ne le faisait pas dans un autre moment que ces 10 derniers jours alayhi salatu wa sallam. Et lorsque l'on dit veiller la nuit durant Laylatul Qadr et durant les 10 derniers jours de Ramadan, cela signifie de varier les différentes formes d'adoration durant les nuits de Ramadan. Et le mieux est de veiller la nuit entière, de son début jusqu'à sa fin. En fonction des personnes et de leur situation, etc., ceux qui travaillent, ceux qui sont à l'école, etc., doivent faire leur maximum, doivent produire et redoubler d'efforts d'accroître ces adorations pendant ces nuits, ces 10 dernières nuits de Ramadan, et de veiller le plus possible. En priant, notamment à la mosquée, avec l'imam, et de prier avec l'imam jusque la fin. Les mosquées qui font les deux prières nocturnes, la première après la prière de l'Isha, et la seconde avant la prière du Fajr, de faire les deux. Et entre les deux, de veiller, soit en faisant d'autres prières surérogatoires chez soi, ou soit en lisant le Coran, etc., en faisant des invocations, en faisant du dhikr, ainsi de suite. Et malheureusement, certaines personnes n'accentuent pas leurs efforts durant ces 10 dernières nuits bénies de Ramadan. Et ceci est une grande perte. Et certains accentuent leurs efforts, mais ne font pas en sorte que leurs proches en profitent et en bénéficient. Or, de la même façon qu'un croyant ou une croyante souhaite profiter et obtenir le maximum durant ces 10 dernières nuits de Ramadan, il doit vouloir ce bien pour ses proches, sa famille, notamment ceux qui sont sous sa responsabilité, son épouse, ses enfants, car ainsi faisait le prophète, alayhi salatu wassalam, il réveillait sa famille. Et les heures de sommeil qui sont, entre guillemets, perdues, se rattrapent, tandis que les nuits de Ramadan, les 10 dernières nuits de Ramadan, elles ne sont pas rattrapables. Nous devons donc redoubler d'efforts et multiplier les demandes de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah qui accepte le repentir et pardonne les péchés. Wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs, qui pardonne les péchés et il sait parfaitement ce que vous faites. Et parmi les adorations immense qu'il est recommandé aux musulmans de faire durant ces 10 derniers jours de Ramadan, il y a la retraite spirituelle, appelée al-i'tikaf. Al-i'tikaf qui consiste à rester à la mosquée en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la retraite spirituelle, alayhi salatu wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam avait fait la retraite spirituelle une année pendant les 10 premiers jours, puis pendant les 10 jours du milieu de Ramadan. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons qu'on lui a montré en rêve que cette nuit du destin, Laylatul Qadr, a lieu durant les 10 derniers jours, 10 dernières nuits de Ramadan. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam al-Bukhari, من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. Celui qui veut faire la retraite spirituelle avec moi, qu'il la fasse pendant les 10 derniers jours. Et Aïcha radiallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. Al-Bukhari Muslim rapporte, selon Aïcha radiallahu anha, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la retraite spirituelle durant les 10 derniers jours de Ramadan jusqu'à sa mort. Puis, ses épouses ont fait les retraites spirituelles après lui, alayhi salatu wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait accomplir l'i'tikaf, la retraite spirituelle, il priait la prière du Fajr, puis entrait dans Al-I'tikaf. Et ici, les savants ont expliqué que la règle est que celui qui fait Al-I'tikaf doit rentrer à la mosquée avant la prière du Maghrib du 20e jour. Avant la prière du Maghrib du 20e jour. Autrement dit, pour cette année, celui qui veut faire Al-I'tikaf rentre à la mosquée le jeudi avant la prière du Maghrib. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait le fajr puis entrait dans l'endroit où il faisait al-i'tikaf. Ici, les savants ont dit que ce n'est pas le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait son i'tikaf, mais c'est le moment où il entrait dans l'endroit où il faisait son i'tikaf alayhi salatu wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait al-i'tikaf, demandait à ce que l'on lui montait une tente dans l'enceinte de la mosquée. Car la sunna concernant al-mu'takif, c'est la solitude. C'est de se mélanger le moins possible aux autres. C'est un moment dans lequel le croyant fait une rétrospection de sa personne, de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il se consacre entièrement, à la fois son cœur et son corps. Il le consacre à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-i'tikaf, c'est une adoration extrêmement bénéfique pour la personne, car elle se détache de ce bas monde et de tout ce que dans ce bas monde le détourne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mu'takif, celui qui est en retraite spirituelle, ne doit sortir de la mosquée qu'en cas de nécessité. S'il a besoin de faire ses besoins, s'il ne peut manger ou boire qu'en dehors de la mosquée. Mais s'il peut manger ou boire dans la mosquée, le mieux est de le faire dans la mosquée. Et de ne sortir de la mosquée qu'en cas de nécessité. De s'éloigner des femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ses épouses venaient lui rendre visite pendant al-i'tikaf, il ne les approchait pas et ne les embrasser même pas, alayhi salatu wa salam. C'est donc une adoration extrêmement bénéfique dans laquelle le croyant s'isole et se remet en question et occupe son temps, tout son temps, du matin au soir, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en invoquant Allah azza wa jal, en lisant le Coran, en priant le jour et la nuit, en faisant le repentir sincère à Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité. Ce sont, pour ceux qui l'accomplissent, des moments inoubliables dans la vie du croyant. Et parmi les interdits de l'i'tikaf, le fait d'approcher son épouse, que ce soit d'avoir des rapports ou même les préliminaires. Allah azza wa jalla dit: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Mais ne jouissez pas d'elle. Alors que vous observez une retraite spirituelle dans les mosquées. Celui donc qui a l'occasion, la possibilité de faire al-i'tikaf, la retraite spirituelle, qu'il la fasse. Et la retraite spirituelle, al-i'tikaf, n'a pas de limite en dehors des dix dernières nuits de Ramadan. Celui qui ne peut pas faire la retraite pendant 10 jours, qu'il le fasse comme il le peut. Celui qui ne peut ne faire qu'un jour, qu'il fasse, ne serait-ce qu'un jour. Cela est autorisé selon l'avis de la majorité des savants. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا. Nous demandons à Allah عز وجل de nous enseigner ce qui est bénéfique et de faire suivre cette science par des œuvres pieuses. Nous demandons à Allah عز وجل d'accepter de chacun et chacune d'entre nous, nos jeûnes, nos prières, d'exaucer nos invocations et de nous compter parmi ceux qu'il aura préservé, subhanahu wa ta'ala, du feu de l'enfer. Concernant ce cours, ce sera l'avant-dernier, inshallah ta'ala. Le dernier cours aura lieu, bi'idhnillah, le mercredi, après-demain, inshallah ta'ala, afin de pour pouvoir, inshallah ta'ala, se consacrer et profiter entièrement de ces 10 derniers jours, que ce soit pour moi comme pour vous. Et ceux qui ont besoin de dormir un peu la journée pour veiller la nuit, qu'ils le fassent. Il ne faut pas hésiter à céder du sommeil, même minime, du jour, afin de pouvoir veiller au maximum durant ces 10 dernières nuits de Ramadan. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder le temps de vie nécessaire